Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Mathieu Boer, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise. DJ 7, surécoute, et d'ailleurs le sur est entre parenthèses. Ouais. Un spectacle qui au départ nous est présenté comme du théâtre musical, mais je crois savoir qu'on est plutôt dans un format concert-spectacle unique en son genre, si j'ai bien compris. Oui, unique en son genre, je ne sais pas trop, oui. Ce que je sais, c'est que le spectacle est plutôt très très bien accueilli à chaque fois qu'on on le présente et qu'on le joue. Oui, c'est une forme que j'ai voulu assez simple, assez directe, pour partager avec les spectateurs des préoccupations, des questions que je me posais, moi, sur le rapport qu'on entretient avec la musique, les musiques, et puis par extension avec les sons de nos vies, le bruit, le brouhaha qui nous entoure, et qu'est-ce qu'il vient nous raconter, qu'est-ce que ça raconte effectivement de notre histoire, du monde dans lequel on vit, du rapport intime à la musique, d'une chose plus collective, etc., plus politique. Donc c'est vraiment une immersion effectivement dans le monde de l'écoute et qui interroge un peu la question de ce qui nous parvient à nos oreilles et ce qu'on en fait après. Sachant que souvent on considère que l'écoute est un peu passive, alors que je revendique moi une écoute active, c'est-à-dire les oreilles subissent, hein, elles n'ont pas de paupières, on ne peut pas s'extraire du monde, sauf de façon très volontaire en mettant les mains sur nos oreilles. Et donc voilà, c'est tout ça, un peu toutes ces réflexions qui traversent le spectacle et que je mets en partage avec les spectateurs. Oui, si j'ai bien compris, la question centrale du spectacle, qu'est-ce que qu'écouter veut dire ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans une société de l'image, et là, vous nous invitez à peut-être réfléchir davantage sur notre rapport à l'écoute, sur les bruits, les sons, les musiques, tous les éléments sonores qui peuvent nous parvenir, et au-delà de ça, c'est une véritable réflexion que vous nous suggérez. Oui, exactement. Il y a une historicité aussi. Le son a évolué de façon absolument phénoménale au cours du fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Le rapport à la musique, la façon de consommer de la musique, d'écouter de la musique est aussi énormément évolué. Bon, on voit bien avec l'apparition de l'enregistrement ce que ça a révolutionné. Donc je parle même pas maintenant d'Internet et le libre accès qu'on a en permanence à une multitude, une bibliothèque absolument immense d'œuvres diverses et variées. Et malgré tout, on se rend compte que effectivement notre capacité d'écouter précisément les choses, de rentrer dedans, de revenir sur tel ou tel passage, etc., a un peu disparu pour se laisser un peu entraîner et bercer, voire même manipuler d'une certaine façon par la musique. Voilà, avec derrière en plus on voit bien des industries qui ont tout à gagner effectivement de temps en temps nous suriner les mêmes musiques en permanence pour qu'elles finissent par être totalement envoûtées ou habitées par celles-ci. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du décervelage, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors après, il n'y a pas de jugement sur la qualité de la musique, c'est-à-dire que moi j'ai un spectre assez large et j'ai toujours eu des goûts très éclectiques et je peux autant m'intéresser à un tube qu'à la musique classique, de la musique improvisée, de la musique contemporaine, etc. Et c'était aussi pour rendre justice au spectre si large maintenant qu'on a effectivement de toutes ces formes de musique avec lesquelles on cohabite. Et puis il y a une question peut-être plus intime, c'est, je crois en tout cas, qui traverse le spectacle, c'est à quelle partie de notre vie un air musical nous ramène, qu'est-ce que ça nous raconte sur notre propre histoire, comment il y a une introspection intérieure, comment effectivement même dans la psychanalyse, certaines mélodies peuvent revenir et devenir complètement obsédantes, nous hanter. Et elles sont en relation bien souvent avec des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais qu'on n'arrive pas comme ça à évidemment, comme c'est l'inconscient, à nommer. Alors, donc c'est toutes ces choses-là que j'ai eu envie de partager avec les spectateurs. Oui. On est effectivement dans une forme particulière, à tel point qu'on s'interroge, est-ce une conférence en forme de DJ set, un DJ set aux faux airs de cabaret, je l'ai, ou bien encore un concert déjanté et éclectique aux allures de conférence. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement le son, comme on vient d'en parler peut-être, c'est aussi le texte, c'est des éléments, des textes critiques par exemple, on peut y croiser des personnages très très éloignés les uns des autres. Je vois dans la présentation du spectacle, on y croise Britney Spears comme on peut y croiser Roland Barthes qui a écrit beaucoup de textes critiques, en particulier sur le théâtre. Oui, et sur l'écoute. Et sur l'écoute. Évidemment, sur les premières écoutes, d'où elles viennent, c'est-à-dire celles qui nous permettent d'échapper au monde de la peur, où tout d'un coup le moindre bruit peut être interprété de façon assez angoissante, on tend l'oreille, hein, on est sur le qui-vive, etc. Et puis il en arrive jusqu'à cette écoute flottante, un peu liée à la psychanalyse, où les choses nous parviennent, mais sans que vraiment on en ait conscience, et voilà, donc il y a ces... Et entre, il y a une écoute qui nous permet de lire ou de reconnaître le son de la voix de notre mère, les pas sur des feuilles, etc., etc. Donc des sons signatures comme ça, qui nous donnent effectivement, qui nous plonge dans un rapport au monde qui est particulier. Ensuite, on l'a fait de façon très très très ludique parce que évidemment, il y a tous ces textes qui sont le fruit de gens qui sont des penseurs, des philosophes, des musicologues, mais il y a aussi un aspect très ludique. Par rapport à, en tout cas dans la mise en forme, on va dire, du spectacle, avec un conférencier qui est tenu par Mathias Girby, qui chante, qui mixe en même temps plusieurs disques, qui se joue de tous les accessoires qu'il y a sur le plateau pour faire du bruit, une performeuse, Kate Strong, qui est absolument incroyable, qui parle en anglais, en allemand, qui a un rapport très particulier, effectivement, à l'écoute, qui a encore autre part, qui a un autre endroit. Il y a une chanteuse lyrique, Pauline Sikirji, voilà, c'était aussi pour convoquer comme ça cette grâce absolue, l'ineffable, la beauté comme ça de la musique avec une voix admirable, et deux musiciens sur le plateau où il y a vraiment une mise en pratique, on va dire, de l'expérience de l'écoute. Donc il y a une forme d'aller-retour entre oui, le savant et puis une chose beaucoup plus populaire, ludique en permanence, et je crois confère au spectacle tout son charme. D'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est aussi c'est ça qui est beau avec les penseurs, ou les gens, à un moment donné, qui ont cette capacité à analyser de façon très très pointue un certain nombre de phénomènes, de poser des mots, d'articuler une pensée. C'est aussi très jubilatoire, en fait. Il y a ce plaisir-là, pour moi, qui est assez essentiel et que j'avais envie de partager, ouais, réellement avec les spectateurs. C'est pour ça qu'il y a cette adresse, il y a un partage, on va dire aussi, de tous ces questionnements qui se font en direct, avec cette adresse qui se fait directement avec les spectateurs, et on partage ces préoccupations, ces questions. Sur cette notion de partage, d'ailleurs, c'est vrai que la forme du concert spectacle, c'est un petit peu aussi une référence à l'idée de se retrouver dans un même moment que l'on partage généralement, collectivement. Plus on parle souvent de communion, c'est un peu au-delà du caractère religieux du terme, mais alors que souvent d'autres spectacles, on n'a pas forcément la même écoute, la même approche, la même analyse. La question de la communion et du en commun, elle est essentielle. Elle appartient effectivement à la représentation, hein, tout simplement. C'est pour ça que le théâtre reste un art absolument incroyable et unique en son genre. C'est quand même une communauté d'êtres humains qui se retrouvent pour partager effectivement à un moment donné des préoccupations, des problématiques. Un texte, de la poésie, des émotions, parce que c'est aussi très important, les émotions que ça peut susciter, tout ça. Et on ressort à chaque fois, je pense, transformé littéralement, quand ça marche et quand ça opère, ou parfois on passe à côté, ou on est en désaccord. Mais même quand on est au désaccord, je trouve ça passionnant. Parfois même plus que quand on est en total accord, etc., etc. Mais parce que c'est effectivement l'endroit où on peut de nouveau se reposer collectivement un certain nombre de questions. Là, ça se fait autour de l'écoute, de notre écoute, mais par extension, il y a une dimension effectivement politique, quand même, malgré tout, je ne sais pas s'il y a une régression de l'écoute, mais il y a quand même quelque chose qui s'est dans les désirs qui peuvent être évoqués, dans les pulsions, dans notre consommation, quelque chose qui s'est peut-être un peu délité, qui est moins attentive, qui est moins bienveillante à l'endroit de la musique et à l'endroit de nos oreilles. Et c'est peut-être aussi ça que j'avais envie de mettre en scène. Pourquoi avoir choisi la figure du DJ ? Alors ça, c'est il faut que je rende quand même hommage à Peter Zandi, donc, qui a écrit deux ouvrages qui ont été absolument essentiels pour moi. Un qui s'appelait Tube, la philosophie dans le jukebox, où il se faisait comme ça une forme de radiographie du tube et de ces mélodies qui nous hantent, ces airs qui nous habitent, etc. Et comment elles étaient construites, comment elles se construisent, qu'est-ce qu'elles d'où elles viennent, cette espèce de litanie, cette répétition, cette chose en boucle, etc., etc. Un magnifique texte sur parole, donc de Dalida, Alain Delon, où il analyse effectivement cette scène, enfin en tout cas cette chanson de façon absolument admirable et truculente sur la question du parler, du chanter, sur la question de la scène de ménage, sur parole, et tout continue encore, et c'est toujours la même chose, comme un tube finalement, c'est la destinée d'un tube d'être répété indéfiniment. Et l'autre, c'était écoute, une histoire de nos oreilles, où la vraie question finalement qu'il pose, c'est comment on partage une écoute à partir du moment où on n'est pas musicien, vous et moi. En l'occurrence, moi je suis musicien, donc à un moment donné, effectivement, où un compositeur fait partager son écoute puisqu'il écrit de la musique, mais l'auditeur lambda, sur tel ou tel passage, il a envie de faire entendre ce qu'il entend. Si on est deux, ben, comment on fait avec des mots, avec de la musique, comment on s'y prend, etc., etc. Et donc ça a été quand même, ces deux ouvrages ont été un peu le point de départ de mon désir de faire ce spectacle. Quoi. Donc c'est un peu Peter Zandi qui hante, on va dire, tout le spectacle. L'art du savoir écouter, c'est un petit peu ce qui nous est proposé, mais comme vous disiez, cette notion de partage, on sait, et la question suivante qui pourrait se poser, est-ce que l'écoute est partageable, sachant que l'écoute, tout est affaire de sensibilité, voire de perception qui est différente d'une personne à une autre ? Bah oui. C'est bien pour ça qu'on a autant de problèmes pour combien de fois je me suis trouvé démuni, moi, face à un passage de telle ou telle œuvre, classique ou même rock'n'roll, mais qui d'un coup nous emplit d'une émotion, on se fait rattraper par ce qui est de l'ordre de. Oui, de l'ineffable, comme dit Yankelevitch, que j'aime bien, l'indicible, quoi. Et donc, comment on peut dire l'indicible, c'est une chose très très compliquée et qui renvoie forcément au sujet d'une certaine façon. Et ce sujet-là, il essaye de se dépatouiller avec des mots qui sont souvent assez faibles au regard de ce que peut provoquer des passages musicaux. Sur scène, ça se présente comment ? J'ai lu comme un terrain de jeu d'expérimentation sonore. Oui, alors ça c'était une autre obsession, c'est tous les sons qu'on produit sont fabriqués directement sur le plateau. Il n'y a pas de bande enregistrée qui est une technique qui existe au théâtre où on envoie des sons, mais là il y avait vraiment un désir de produire l'ensemble des sons directement, que ce soit les acteurs qui le prennent en charge ou les musiciens, etc., ou des disques, donc même les bruits de ville, puisqu'il y a aussi toute une réflexion à un moment donné sur les paysages sonores. Tout ça est mixé en direct, donc on mixe des disques avec de la musique live, puis il y a des voix dessus. Et c'est sur un dispositif, somme toute, assez simple, de table, beaucoup d'instruments, des platines, juste un rideau pour donner une dimension un peu plus, on va dire, glamour et pétillante, et de la musique. Et quelques chaises, et des partitions, et beaucoup d'instruments. Un verbe d'action qui fait le lien entre ce que vous venez de dire et aussi votre travail par ailleurs aussi de metteur en scène, c'est le verbe mixer. Vous avez dit à l'occasion d'une précédente interview, c'est un terme que j'affectionne particulièrement parce que il renvoie à la notion de fragment et de montage, deux piliers de mon travail, avez-vous ajouté. Oui, moi j'ai grandi avec le cinéma, et c'est vrai que l'art du cinéma, entre autres, certes il y a la narration, il y a le scénario et tout ça, mais après ce qui est mis en œuvre, et c'est la mise en perspective de deux plans, et c'est le montage, c'est ce qu'il y a entre les plans qui, à mon sens, donne qui donne toute la la quintessence du cinéma. Et l'art du montage, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Même chose aussi pour mettre en perspective parfois des thématiques ou des on va dire des sujets qui sont ou même des styles musicaux qui a priori n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et finalement, si on commence à s'arrêter un tout petit peu dessus, si on commence à réfléchir, ben on se rend compte qu'il y a un dialogue qui est possible, voilà, entre Wagner et le punk, entre Captain Beefheart et Nino Rota, etc., etc. Il y a quelque chose qui réunit tout ça. Et j'adore circuler à l'intérieur de tout ça et d'inviter le spectateur à circuler à l'intérieur de ce montage, comme une promenade qu'on ferait dans différents paysages et on s'arrêterait sur différents tableaux au fur et à mesure, qui certes sans forcément une continuité, mais avec des faux raccords parfois, avec des bons raccords, avec des raccords dans l'axe, avec des fondus enchaînés et tout ça. Oui, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, aussi dans la façon dont je mets en œuvre d'une certaine façon les spectacles. J'ai retenu deux coupures de presse concernant votre spectacle, Libération. Ils sont 5 sur scène à tenter de s'emparer de nos oreilles, et ce qui réjouit immédiatement est la variété de leur horizon. Vous vous retrouvez dans ça, forcément? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les différents interprètes qui sont à plateau, qui sont quand même ils transportent tous un univers très particulier, très fort, très singulier, oui. Deuxième coupure qui s'adresse là, c'est effectivement aussi aux auditeurs qui vont nous écouter. Tout ceci forme une symphonie rythmique jouissive, un petit bijou de musicalité où musique, théâtre, jeu et voix s'expriment à l'unisson. Dressez vos écoutilles, c'est extrait de Time Out. Là, pareil, ça définit bien effectivement l'extrême variété de ce qui nous est proposé. Oui, je crois, mais... toutes les critiques sont assez élogieuses et c'est vrai que le plaisir, je crois, des spectateurs n'a jamais été pris à défaut. C'est un spectacle qu'on tourne depuis 3 saisons, on a fait 80 dates de tournée, on l'a joué à l'étranger aussi. Et c'est vrai, je crois qu'il y a peut-être là, c'est pas une forme de générosité, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, générosité non pas dans le spectaculaire, mais dans la mise en partage, encore une fois, d'un certain nombre de notions, d'idées, et le plaisir de effectivement d'aller d'aller au scalpel comme ça, essayer de décortiquer et d'ausculter effectivement ce qu'écouter veut dire, qui est assez jubilatoire, je crois, ouais. Pour ma part, je retiendrai une citation de Jean-Claude Carrière qui, à mon avis, va aussi être une forme d'invitation à aller découvrir votre spectacle. Il disait la chose suivante, l'oreille est le chemin du cœur. Alors, laissons-nous guider. Ouais, oui, c'est une très belle citation. Merci Mathieu Bauer. Je rappelle à nos auditeurs que ce spectacle DJ7 sur écoute, il s'agit plus d'un concert-spectacle comme on vient d'en parler, c'est à l'affiche le vendredi 10 mai pour deux représentations à 14h30 et à 20h30 et le samedi 11 mai à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Grand merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci.